moi des moyens. Il en prend ça, il faut ça, ça, il en tient ça. Bagaille à moi des moyens. Il en prend ça, il faut bon jacadi. Bagaille à moi des moyens. Il en prend ça, il faut ça, ça, il en tient ça. Bagaille à moi des moyens. Il en prend ça, il faut bon jacadi. Et voilà. Des moyens. Il en prend ça, il faut qu'on jacadie. Bagaille l'homme a des moyens. Il en prend ça, il faut c'est ça, il en tient ça. Bagaille l'homme a des moyens. Il en prend ça, il faut qu'on jacadie. Ah, il m'a dit besoin de morceaux savon. Pour me laver, pour me laver. Ah, il m'a dit besoin de morceaux savon. Pour me laver, rate sale moyen. Ah, il m'a dit besoin de morceaux savon. Pour me laver, pour me laver. Oh, il m'a dit besoin de morceaux savon. Pour me laver. Et voilà la joie. Rosé au Majazou. Olé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Olé. Pas manier vos fesses, madame là. Pas manier matériel, madame là. Pas manier vos fesses, madame là. Sous manier vos fesses, madame là. Marie Bébé content. Pas manier vos fesses, madame là. Pas manier matériel, madame là. Pas manier vos fesses, madame là. Sous manier fesses, madame là. Marie Bébé content. Alors, c'est bien pas rouler.